starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Présent. 3, 2, 1, now! Dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Wow! Mercredi 4 octobre, ça y est, le mois d'octobre a démarré. Je l'ai pas vu arriver. Hein. Moi non plus. Je me le suis pris dans la figure. Et c'est bientôt Halloween. Voilà, enfin, ça c'est à la fin du coup. Mais... il fait partie de ces gens qui sont focus sur Halloween. Ah, j'adore ça. J'ai déjà vu mes décos. Mais depuis mi-septembre, moi. Ah, tu vois, ah, j'adore ça, Halloween, c'est enfin, génial. C'est plus des décos automnales que des décos d'Halloween, mais voilà. Et vous vivez dans quel monde? Mais comme dans les films aux États-Unis. Tu sais que j'ai déjà vu des trucs de Saint-Nicolas. Oui, ça, mais non, mais ça depuis. Vous comptez plomber l'ambiance dès le début de l'émission, non, en fait. Ah, il me semble bien. Non, mais c'est vrai que j'ai vu ta story, Maëva. Mais oui. Tu décores chez toi. Mais c'est plus qu'une story, j'en ai fait un post. Bah voilà. C'est génial. Influenceuse. Oui. Votre rendez-vous du mercredi soir pour vous changer les idées en plein milieu de la semaine, c'est nous. Alors si je vous dis boboisé, l'éco-anxiété, crush, le Nutri-Score. Oula. Vous me dites quoi? C'est quoi tous ces mots rassemblés? Nouveau langage des jeunes. Ouais. Ouais. Okay, non, langage jeune des vieux, enfin je sais pas comment expliquer. Ah, c'est vrai. C'est tous les mots qui sont rentrés dans l'édition 2024 du dictionnaire français Larousse. Ah. Enfin, parmi plein d'autres mots qui sont rentrés, il y en a 150. Alors j'en ai repéré 2-3. Hein. Ghoster. Ah. Ah, j'avais fait un truc sur ça la Bien saison sûr. Dernière. Là, je Alors on rappelle pour ceux qui débarquent aujourd'hui et qui découvrent, ghoster signifie rompre soudainement tout contact avec quelqu'un sans fournir d'explication. Ouais. C'est ça. Et ça arrive souvent, ça. Enfin, en tout cas pour moi. Disquette. Disquette rentre dans le dictionnaire. C'est une phrase, un truc étouffé, là, souvent lourd pour séduire quelqu'un. J'allais dire bandé. Comment? Non, c'est badé, le mot c'est badé. Ah, ok, ouais. Ah, oui, non, c'est frère, pas. Ça va. Je découvre le texte. Te trompe pas, hein. Non, mais on va mettre un peu plus de lumière ici. C'est éprouver de l'inquiétude, voilà, de l'angoisse, être en PLS, c'est aussi rentrer dans le dictionnaire. C'est pas que en position latérale de sécurité, c'est aussi être au bout de sa vie. Oui. Mais alors, attention, la Belgique a été mise à l'honneur dans le dictionnaire français. Ah! Et entre dans le petit Robert, Gaïole, Clette et Cougnou. Magnifique, oh, j'adore. C'est quand même trois mots qui vont faire du bien à tout le monde. Oui. Enfin, personne va remarquer qu'ils sont arrivés dans le dictionnaire. Oh, mais oh. Au moins, les Français, quand ils y ont. Mais Clette, attends, qu'est-ce que c'est? Il y a une petite case belge, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'entre crochets, ils mettent belgicisme. Oui, je pense. Ouais. On s'en foutait. Ceux qu'on n'aime pas. Mais non, moi, je trouve ça chouette. Ah oui, voilà. Ouais, l'actualité allez. Palpitante du dictionnaire. On n'en parle pas assez, c'est vrai, on t'as en raison. Parle pas assez. Bienvenue dans cette émission, vous avez prévu plein de surprises. On va avoir le jeu du texte, tiens, qui fait son grand retour cette saison. Elle n'avait pas encore eu là, depuis la rentrée. Le jeu du texte, je vous en dis pas plus. Mais on va faire monter très très fort la température. Ah mince. Dans quel sens? On va essayer, hein, parce qu'on n'est pas les gens les plus séduisants non plus de la Terre. Hein. C'est pour ça qu'on fait de la radio. Hein. Une nouvelle séquence va arriver, c'est le Time Machine avec Maëva. Oui. Oh, une grande première. Nous, on est la seule émission de radio qui teste des trucs en direct. Ouais, on fait tout. Chaque semaine, il y a de nouveaux trucs. J'adore, mais c'est ça qui est génial. Et on a de l'audace. Ouais. On a de l'audace parce qu'il y a des radios qui disent on va peut-être pas oser faire des nouvelles séquences. Nous, on prend le conducteur. On a fait une réunion lundi d'ailleurs. C'est ça, un petit brainstorming. On a tout retourné. On a fait, allez, alors ça on vire, ça on modifie, ça. Vous allez voir, ce soir, normalement, on a fait les réglages qui manquaient à ce que ce soit nickel. Voilà. Exactement. Normalement. Bon, là, j'ai fixé la barre haute. Il faudra suivre. Qui sera notre invité dans l'interview brutale? Alors, c'est Ella. Ella Luciani, qui est la sœur de Clara Luciani. Ah, trop bien ça. Eh oui. Ça va faire plaisir à Antoine Libot de notre équipe. Qu'on embrasse, bien sûr. Dans un instant, on va aussi avoir la mise à jour. La mise à jour qui sera... un petit peu le récap pour être à jour et ne pas passer pour un con si vous êtes passé à côté d'un énorme buzz. Maëva est là pour vous le résumer. Exactement. En un mot, tu peux nous dire de quoi ça va parler? Non. Ok. Jadoul et son équipe dans la trappe. Toujours aussi sympa. Voici Naps. Ok. Vous savez que dans cette émission, on aime bien vous raconter les coulisses. Maëva est arrivée. toute transpirante. Mais non, elle courait. C'est pas vrai. T'as si, on t'a épongé même. Est-ce qu'on peut révéler à l'antenne quand même que t'es arrivé à 19h59? Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Mais il y a des travaux, il y a des nouveaux travaux. Si vous venez de Namur pour Bruxelles, faites attention. Il y avait déjà des travaux qui duraient sur 5, 6, 7 km, et ben maintenant il y a la même fois 2. C'était à cette heure-ci l'infotrafic ? Ouais, oui. Avec plaisir. Le pour toi de la semaine, on va se balader sur les télés locales. Vous aimez ça ? Oui, moi j'aime bien. Oui. Ah, ça dépend lesquels. Non, hein, si c'est important, ça fait vivre tout le patrimoine. Tu m'as regardé avec tes yeux pleins d'espoir, je me voyais pas dire non. Tu peux dire la vérité, t'as pas la télé. Mais oui, voilà. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on est là pour tout vous résumer. Si vous avez loupé quelque chose, on est là toujours pour vous le montrer. Parce que la télé locale, l'air de rien, c'est le seul endroit où on peut entendre ça. Ah oui, vous savez pas ce que c'est ? Pas du tout. Oh non plus, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on a trouvé le journaliste le plus complet dans la présentation. Nous sommes dans la cour d'Igor Stoliarov. Il est arrivé de son Ouzbékistan natal au début des années 2000. C'est son épouse qui lui a offert un petit orgue de barbarie pour ses 60 ans. C'était le 27 janvier de cette année 2023. Ah, super. Maintenant que les présentations sont faites, l'instrument, l'artiste, c'est sa femme, on aimerait bien savoir ce que Igor, l'artiste lui-même, en pense. Avec ça, j'ai commencé. Ma femme, elle travaille dans une maison de repos. Pardon ? Quand je jouais là-bas pour personne... Hein? Attendez. Quoi ? Quand je jouais là-bas, quoi ? J'ai rien compris. On va reprendre. Quand je jouais là-bas pour personne... Je suis pas sûr d'avoir compris. On va poursuivre. Quand j'ai vu elle content, elle commençait à danser, elle commençait à chanter, il se touchait à ma cœur. Attendez, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que je comprends vraiment très très mal, ou alors j'ai des problèmes d'oreilles. Mais ça me semble un peu sexualisé, oui. C'est un peu... Il se touchait à ma cure. Oh, on veut pas savoir. Voilà, on va laisser ça là où c'est. Pour ceux qui ont compris, tant mieux. C'est très sympa, mais au final, on sait pas quels sont les instruments qu'Igor utilise. C'est vrai. On aimerait bien le savoir, au final. D'abord, un bel instrument fabriqué à Berlin. Mmh. Ok, le son est super chouette. Puis, un plus grand modèle fabriqué à Vienne. C'est plus dansant. C'est sympa aussi, le dernier. Enfin, un Ariston, plus ancien, où la musique est gravée sur un disque en carton. Ouais, c'est un peu disparu de jour. J'adore, c'est sympa. Ah ouais, voilà. Envie de faire un tour de maths. Pour les transitions. Non mais ça... C'est notre nouveau générique. Bah ouais. Attends, faut quand même qu'on remette un petit peu le contexte. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Ah ! Ça, c'est une bonne question, tiens. Parce qu'il y a carrément un tournoi pour ce genre d'instrument. Ok. Fierté nationale, hein. C'est des musiciens un peu confus derrière tout ça. Hein. Je n'ai jamais très très bien compris les critères du jury, mais ça m'est complètement égal. On a une liste, hein. Il y a l'habillement. Interaction avec le public, l'orgue proprement dit, la qualité sonore de ce qu'on va jouer. Hein. Et vous tournez votre main sur la petite manivelle. Et on tourne, et voilà. Ah, c'était quand même passionnant. Heureusement que je vous ai fait vivre cette incroyable aventure. C'était inoubliable. L'orgue de barbarie. Après, on rigole, mais l'ISO, on a utilisé dans son dernier single. C'est vrai ? Ah ouais, ouais. Ah bah, tu vois, je te le retrouve. On apprend des choses ici. Faudrait que je le retrouve. Bon, conclusion, on met notre petite main, tous, sur la sur manivelle. Allez, attention. Et dès 20h, c'est La Trappe. Allez, autre ambiance maintenant. Bienvenue, on est en direct avec vous. Ah ouais, nous, c'est du direct, hein, on rigole pas. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Est-ce que vous vous réécoutez quand vous faites un message vocal dans l'équipe Kix ? Bah oui, t'avais déjà posé la question et toujours, oui, je me réécoute. On a déjà fait cette séquence ? Oui, mais c'est pas grave, écoute, on peut la refaire. Mais je savais pas comment tu l'avais demandé, mais j'ai l'impression que tu m'as déjà posé la question. Vu que t'avais même dit, ouais, mais Kix, il a beaucoup de problèmes. Enfin, Kix, il a beaucoup de problèmes. Sur là, il se venge. J'ai déjà diffusé ce son. Ouais, frangin, j'ai bien eu ton message. Oui ? Mais c'est pas, on peut la refaire, écoute, tout le monde n'a pas eu la chance de l'entendre. Hein. J'ai aucune mémoire. Mais là, le carolo, mais couille. Mais j'ai dit, tu peux le remettre, les gens ont envie d'écouter. Mes couilles, hein, ma biche. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, c'est d'accord. Bon, okay. On va quand même la refaire, hein, parce que, écoutez, elle était préparée. Mais bah, elle a amnésie qu'elle s'en souvient pas. Voilà. Honnêtement, c'est vrai. Genre, j'ai un vague souvenir, mais pas de tout, ok. Et cela dit, donc oui, je pense que ça me fait bizarre parce que ça fait partie des sons de début d'émission que, à mon avis, on a eu le temps de faire et que je pensais qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Donc j'ai cru qu'il fallait pas le jeter parce qu'on l'avait pas fait. Et on l'a fait. On va aller taper sur les doigts du gars de la rédac. C'est moi, ça. C'est ma faute. Bon, bah, je vais quand même vous le faire. Est-ce que vous réécoutez? Ah bah oui, bien sûr. Des fois, ça nous arrive de nous réécouter. Parce que quand on fait le vocal, ça ressemble à ça. Ouais, frangin, j'ai bien eu ton message. Donc, je démarre dans 5 minutes. Donc, dans 20 minutes, je suis chez toi, ça va. Allez, à tout à l'heure. Et quand on habite Charleroi et qu'on a un accent, quand on se réécoute, bah, ça donne ça en réalité. Mes couilles, hein, ma biche, hein, j'ai bien eu ton message. Hein, mes couilles, hein, mais je vais démarrer dans 5 minutes. Hein, mes couilles, hein, ça veut dire que dans 20 minutes, hein, je vais arriver à ta baraque. Hein, ça va, mes couilles, hein, toi tout. C'est un peu voilà. Comme avec Maëva, en fait, j'ai l'impression. Oh. Oh. C'est pas vrai. Bon, cette séquence recyclée ne sera pas facturée. Vous avez remarqué qu'on fait du nouveau chaque semaine, hein. Oui. Là, enfin, pour le recyclage, c'est que par erreur. Ah bah écoute, on fait des économies, hein. Le jeu du texte arrive dans quelques instants. Ah, ça va être chouette, ça. Vous savez pourquoi? Non. Dis-nous tout. On va faire monter la température. Ah. Ça va être une séquence de gros pervers. Mais ça pourrait être sympa. Bon, mettez vos enfants au lit. Mais d'abord, un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent. Ah. Une petite page de pub d'abord. Allez. Ouh. Ah putain, le truc qui part pas. Vous avez entendu ce bruit de comment je dois taper sur l'écran tactile? Ah non, ça part pas. Hein. Ah bah oui, bah écoute, c'est le logiciel. Il y a quelqu'un qui nous jette un sort là. Je sens que. Là, il voulait plomber. La troisième séquence de l'émission, c'est fait. Allez, pub. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Par manque de temps, vos espaces verts, arborés ou non, sont négligés et vous souhaitez les remettre en ordre afin de valoriser votre propriété. Vous recherchez un professionnel régional, dynamique, compétent et expérimenté dans tous les travaux de parcs et jardins. Ne cherchez plus. Avec le patron Kevin sur chantier, c'est un précieux partenaire. Il vous fera un florilège de ses meilleures anecdotes et vous racontera ses moments les plus gênants, malaisants et fera de votre terrain un véritable petit Éden agréable à la vue. Que vous le croyez ou non, entretien et aménagement de jardins, terrasses, espaces verts, taille de haies, élagage et abattage d'arbres dangereux, pose de clôture tout type, restauration, bar et food truck, toute l'après-midi pour rendre hommage à la communauté ouvrière locale. Travail de qualité soigné jusqu'au moindre détail afin de concrétiser vos projets sans funérailles. Posez avec votre verre sur la terrasse, visitez le site sur la route de lavanne.be. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. En parlant de Radio Falminioul, ils sont de retour d'ici quelques minutes. Yes. Avec vraiment la formule gagnante, c'est-à-dire à l'ancienne, comme okay. On aime. Je veux plus qu'ils viennent ici en live dans le studio, c'est peut-être trop de risques, il faut pas. Trop de dégâts. On a trouvé le moyen de les diffuser sans qu'ils viennent physiquement, parce que là, les deux dernières semaines, c'était un carnage quand ils étaient là. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Merci de nous avoir choisi encore ce soir pour passer un moment inoubliable. Voilà. Non, un moment. Ah bah non, un moment, juste un moment. Juste un moment. Oubliable. Je veux pas qu'on fasse des promesses qu'on sait pas tenir ici, s'il vous plaît. J'ai pas de doute. Ah. On fait de notre mieux, de notre petit possible. Ouais. Et parce que ce qui arrive, ça va être. La time machine. La time machine qui arrive dans quelques minutes. Oui. Maëva, calendrier, date, anecdote historique. C'est ça. Le Stéphane Bern de KIF. Ouais, c'est ça. Alors Maëva Nouberne. C'est la Stéphane. C'est ça, T'avais dit la Maëva Nouberne. Oui. Explique la blague pour les auditeurs qui n'ont pas compris. Bah, Stéphane Bern, Maëva Bern. Maëva Nouberne. Nous voilà, voilà. Marrant ça encore. Alors merci pour les auditeurs qui n'ont pas compris, mais aussi pour Maëva qui n'avait pas compris. Ah bah voilà, je sais. On avait, c'était le seul qui avait compris la vanne, c'est pour ça que je voulais qu'il l'explique. Ah, bon, je vous propose de faire notre grand retour du jeu du texte. Ah. Le jeu du texte est simple. On prend un texte d'une situation tout à fait normale et on le met dans un contexte qui n'est pas normal. Par exemple. Et messages vocaux, vous savez, ces moments où on tombe sur une messagerie automatique, quand on appelle une hotline, un service client, qu'importe. Oui. C'est une voix généralement classique qui fait « Bienvenue, Big Matt, qui est censé être à présent, mais qui ne l'est pas du tout. Oui, pour les matériaux, taper 1, pour Gérard de la Comta, taper 3. Les menus interminables avec, purée, 18 000 numéros. Mais enfin, tu sais pas quoi taper. Non, et le pire, c'est quand tu dois, lui faire répéter parce que tu sais pas, et donc tu dois dire, je vais devoir tout réécouter. Je vous propose de faire ces menus téléphoniques avec une voix de téléphone rose. C'est possible. Et j'attends Maëva. C'est pour ça que Maëva va le faire en dernière. Oh. Ouais, tu feras ça en dernier. Allez hop, Kix. Du coup, voilà, je commence donc à faire une voix un peu. C'est ça. Et je te propose de faire Proximus. Proximus. Donc c'est le premier. Oui. T'es en premier de classe, toi. Yes. Ah, t'es fort, toi. Allez, attention, on y va. Je me mets en condition. J'appelle Proximus et là, je tombe sur une hotline. Ah, bonjour. Bienvenue chez Proximus. Merci de nous contacter. Veuillez introduire votre numéro de téléphone ou votre numéro de raccordement en terminant par le carré. Pour des questions qu'on... Pardon ? Désolé. Pour t'as cassé le chat, j'ai débordé là. D'un coup. On peut mettre en arrière l'enregistrement ? Bien sûr. Veuillez introduire votre numéro de téléphone ou votre numéro de raccordement en terminant par le carré. Pour des questions concernant une ligne fixe, internet. Oui, non, c'est bien, merci beaucoup. Voilà, hop là, on en a ce qu'il faut là. Il faut pas que ce soit trop long non plus. Hein. Est-ce que t'as excité au moins quelqu'un ? Oh yeah ! Ah, parfait. Mais non, mais au début, il était très convaincant. J'ai au début. Non. C'est sur la durée où il a du mal. Bon, allez, je vous en fais une aussi. Oui. Moi, je vais faire la SNCB. Vas-y, oh, fais. Et on y va. Attends, déjà laisse la musique. Attends, comment tu veux te concentrer quand ça fait autant la tienne. On se croit, ça allait, tu vois, c'était un peu bon. Bienvenue à la SNCB. Bébé. Pour une assistance aux personnes à mobilité réduite. Obtenir de l'aide à la vente sur un site internet. Appuyez. Ah, pas là. Sur le 2. Pour la réservation d'un voyage de groupe. Une par 12. Appuyez sur 3. Pour information horaire ou tarifaire, glissez le billet dans mon string. Ou tapez sur 4. Voilà, c'est déjà bien. C'est pas mal, c'est pas génial. Vous êtes très sensuels, vous deux, en fait. Pas du tout. On ressemble juste à des vieux labradors en train de se frotter une jambe. Tain, c'est dégueulasse. On peut faire ça tous les jours. Non, ça va. Non, c'est sympa. Non, c'est... Non. Je vais vendre ma voix. Bon, en parlant de démontage, parlons meubles, parlons Ikea. J'ai eu peur hein, de ce que t'allais dire. Là. Direction la Suède, sans accent, bien sûr, parce que sinon on va rien comprendre. Voici le téléphone rose de Maëva. Version IKEA. Bienvenue chez IKEA. Vous êtes client ou IKEA Business et avez un numéro de TVA? Appuyez sur 1 et introduisez le numéro. Pour faire un achat ou obtenir des informations générales sur IKEA, appuyez sur 2. Pour une installation ou un montage à domicile, démonte-moi. Appuyez sur 3. Pour notre service après-vente, appuyez sur 4. Ou pour obtenir de l'aide, appuyez sur l'étoile. Je savais pas que j'étais capable de faire ça. Si, si, continue. Continue. J'ai fini, moi j'ai fait tout mon menu. C'est hein. Jadoul qui fait. Retire ta culotte. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Je pensais pas qu'on allait faire ça à 20h28, tu vois. Mon Dieu. Qu'on allait faire ça plus tard dans l'émission. Beaucoup plus tard. Attention à la time machine. Maëva dans une autre ambiance. Arrive. Quoique tu pourrais nous le faire comme ça, non? Non. Ah, d'accord, j'aurais essayé. Passez une belle soirée. Merci d'avoir choisi cette émission. Qu'on comprend pas forcément. Mais qui est là au moins pour vous accompagner, vous changer les idées. Et on tente au moins de vous décrocher un sourire. Oh, c'est beau dit comme ça. L'actu connecté. Ah ouais, l'envers, regardez. Et les dernières tendances sont dans la trappe. Évidemment, j'ai pas pensé à dire ça au moment de l'émission où on n'est pas censé rigoler, justement, parce que c'est pas une séquence rigolote. Mais au moins. Ça va, c'est pas non plus l'enterrement, enfin. Ah si, c'est plombant, arrête. On va se faire chier. Alors, nouvelle séquence, enfin, dans le sens où on a enfin trouvé le titre qui lui correspond. Time Machine. Exactement. On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui se passe en ce moment, le 4 octobre. Maëva. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est le 4 octobre 2023 et il ne se passe rien, absolument rien. C'est-à-dire que d'habitude. Rien non, pour cette séquence. Même pas une petite. Non, mais souviens-toi là. Non, rien. La semaine dernière, j'avais trouvé une petite info nulle, comme la découverte du plus gros œuf du monde. D'ailleurs, je ne me souviens toujours pas je ne me souviens pas du poids. Mais cette semaine, rien, rien. Et j'ai l'impression que le 4 octobre, en fait, c'est la journée nationale de tous les ans où il ne se passe rien. Parce que, mais non. Je te promets. Parce que dimanche dernier, il y en avait, je pense, une pelletée de 400 journée mondiale. Je me souviens que c'était la journée mondiale du chocolat, des personnes âgées et d'un autre truc, et je me suis dit on peut tout faire en même temps. C'est toujours tout ou rien en fait. Sauf que c'était aussi la journée mondiale du raton laveur et ça, bon, voilà, on ne pourra rien faire. Mais va donc. Mais du coup, voilà, je suis remontée jusqu'au 14e siècle, il n'y avait rien de très intéressant. La seule chose, petit moment de fête de. Aussi, de Michel Drucker qui était né ou quoi. Oui, c'est vrai. petit truc de fête quand même, c'est que le 4 octobre, c'est la date de naissance de Julien Clerc. Ah oui, ça. Alors, si les patrons de la radio nous écoutent, ils vont se dire bravo, Julien Clerc, c'est vraiment ça qui nous manquait dans l'émission de ce soir. Fierté, hein. On est d'accord qu'il a l'air très vieux et jeune en même temps. Quel âge il a? Donc, je me suis dit, je vais vous faire découvrir en quelle année il est né. Ah, bah oui, tant qu'à faire. C'est même. Mais si. Est-ce que tu nous as préparé un son de Julien Clerc? Oui, bien sûr. Non. Chante-toi du Julien Clerc, s'il te plaît. Mais non, mais enfin. Oui, elle est. Na na na na na na na na na. Voilà. Merci. Ma préférence à moi. Voilà. Merci, Lise, de toujours me soutenir dans mes séquences. Il y a des petits trous dans les paroles. Bon, c'est l'anniversaire de Julien Clerc, on doit deviner l'âge de Julien Clerc. C'est ça. Alors. Attention. Pas sûr que la semaine prochaine on refasse cette séquence. Et alors il faudrait vraiment être sûr qu'il y ait des choses qui se passent, parce qu'il se passe vraiment rien. Non mais je te jure, je suis remontée. C'est la dernière visite du pape. Je dirais qu'il a 57 ans. Voilà. Julien Clerc, 57 ans, non, il est plus vieux. Allez, c'est juste sur son âge. Allez. Vous voulez dire que je suis pas au courant de tout ce qui va se passer dans l'émission et je découvre des trucs comme maintenant. Allez, t'as dit combien? Moi je dirais 67. 67? Moi je reste à 57. Ok. Eh ben ni l'un ni l'autre. En fait, Julien Clerc est mort. Est né en 1947 et il a 76 ans. Ah oui, quand même. On est d'accord qu'on dirait pas qu'il était si vieux? Ah non. Oui, nous sommes les champions de la fréquence. Mais non, mais écoute. On nous connaît, nous sommes tous amis. En Belgique et partout dans le monde. On entend notre voix dans la nuit. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Y'en a plus, Maëva? Non, j'ai pas envie que la séquence s'arrête, je vais me faire engueuler, je pense. Quand il y en avait encore? Non. Allez, prochain anniversaire. Marnik, tu veux pas en parler, par exemple? Qui? Marnik, mais c'est qu'on écoute maintenant. Mais va tout de suite, tu rectifies à l'antenne et tu t'expliques. Oui. Il y a une journée mondiale aujourd'hui. Ah oui, il y a une journée mondiale aujourd'hui, c'est ma maman qui me l'a dit. On l'embrasse, hein, merci Isabelle d'écouter. C'est la journée mondiale des animaux. Ah, voilà. Mais c'est bien en plus les animaux. Je savais qu'il y avait une journée mondiale en plus, c'est pour ça que quand tu m'as dit il y en a pas aujourd'hui, je me suis dit, oh, attends, moi je connais. Ma mère elle est calée parce qu'elle m'envoie et elle me met source éphéméride du calendrier. Donc en fait le travail que tu devais faire avant l'antenne. C'est ça. Voilà. Moi je connais un animal qui s'appelle Julien Clerc. Il vient de Dunkerque. Ah ouais, parce qu'on a trouvé aussi du Julien Clerc dans notre. Le temps de vous présenter notre ordinateur de mise en onde. On a trouvé un son de Julien Clerc. Ma préférence à moi. Il y a donc 76 ans aujourd'hui. Tous les mercredis dès 20h avec Jadoul. Jadoul sur KIF. Quelle bonne émission, mes amis, que nous vivons aujourd'hui. Et c'est du full direct, on pouvait pas mieux le prouver. Mais c'est ça, t'avais bien fait de le lancer tantôt. Au début de l'émission, t'as dit ça va être une émission, mais fantastique, avec plein de choses. Bah voilà, on a plein de choses, mais tout dans le désordre. Kix? Oui. Il est temps qu'on fasse notre interview brutale. Oui. Monsieur Brut, ça vous grandit. L'interview brutale Personne n'a imprimé le texte de ça. Pourquoi je ne l'ai pas. Pourquoi faire? Écologique ici. Je vais resserrer la vis, comme je ne l'ai jamais fait avec les gens de l'équipe. On joue avec qui? Salut, c'est Ella. Ella, comment? Ella. Non, rien à voir. J'ai hâte. Bah, nous aussi. Alors, le but, c'est très simple. On prend une interview du média brut. On fait des questions qui sont censées être plus drôles que les originales. Et le moins drôle d'entre nous se fait brutaliser. Hop là, la gueule sur la table. On y va. Voici la première question. Maëva. Pourquoi tu fais. Quand on me demande pourquoi je fais de la radio alors que je bégaye tout le temps. Parce que c'est quelque chose que. Attends. Refais-la. Quand on me demande pourquoi je fais de la radio alors que je bégaye tout le temps. Parce que c'est quelque chose que j'adore. Tu pouvais pas mieux le faire en bégayant. C'était vraiment. C'était fait exprès. Super. Tiens, prends-toi ça quand même. Bon. Non, mais ça va. C'est le logo de Brut. Kix. Pourquoi je viens pieds nus à la radio? Parce que c'est quelque chose que j'adore. Oh, voilà. Oh. J'ai su le placer. Oh non. C'est une équipe qui est très simple. Oh non. Bah là, je peux te dire que non. Deuxième question, Maëva. Pouvoir parler de Julien Clerc sur KIF. C'est une liberté, quoi. Ma préférence à moi. Kix. Avoir envie de dire ce que j'ai envie. C'est une liberté, quoi. J'ai triché sur Maëva. Je l'ai dit, je l'avoue. Tiens, merci. Plus d'inspiration. Si, la suivante est bien. Ah ouais? Ouais. Bah vas-y, on commence par toi. Enfin, elle est bien, mais je sens qu'on va finir l'émission là-dessus. Que disent les gens qui ont le sida pour se motiver? C'est super positif. Pardon? Non, c'était d'un mauvais goût. Continuons. Attends, je vais juste écouter la réponse parce que je la connaissais pas. C'est hyper positif. Les gens qui ont le sida. Tu pouvais pas faire un truc plus. Mais parce qu'ils sont positifs. Non, mais genre le Covid! Le Covid! Oui. Chose dont on guérit! Mais c'est ce que j'ai dit, hein. Le Covid. Si on se fait épingler par le CSA, c'est ta faute. Je me désolidarise. Bah arrête, moi aussi c'était un peu. Bah vas-y, fais la tienne, tant qu'à finir en prison, allons-y. Attends, est-ce que notre invité. J'ai hâte. Allez, vas-y, on écoute. Non mais. J'ai corrigé. Tu penses quoi des claquettes chaussettes? C'est hyper positif. Ah, c'est bien ça. Voilà, et quel était l'original? Non. Si, vas-y, dis-le, l'original. Tu penses quoi du lancer de nain? C'est hyper positif. Allez, ça c'est bon. Voilà, ça c'est les contrats de l'équipe. Merci à tous. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. On va avoir des problèmes. Dans un instant, la mise à jour arrive et le FaceTime. On va jouer. Ça va être positif. Ris pas, toi tu peux pas rire. Non, je peux plus. Au coin. Ah, va au coin. Je pense qu'il avait plus de paroles. Ils sont arrêtés là. Ben, c'est apaisant. Vous auriez pu prévenir un peu parce que ça tourne là. Alors que Julien Clerc a toujours un truc à dire. Ma préférence à moi. La trappe, tous les mercredis dès 20h. Avec Jadoul. Jadoul sur KIF. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis pas au courant moi. Mais, la mise à jour? Ah oui, on fait la mise à jour. Ah oui. Allons-y. Ok. Je sais pas, moi j'attends que ça démarre en fait. D'accord, mais moi je vais vous parler aujourd'hui de réseaux sociaux, Instagram et Facebook encore. Je sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière je vous avais dit qu'il y avait une rumeur qui disait que ça pourrait devenir payant. On a aucune mémoire. Ah oui, si. On se souvient de rien. Ah si, j'ai vu ça un petit peu, mais. Mais j'avais dit, il n'y a aucune source, on se détend, voilà. Ouais, c'était pas officiel. Ok. Eh ben ça devient plus ou moins officiel. Ce serait... Allez. Il se pourrait qu'il y ait une alternative payante pour accéder donc aux réseaux sociaux du groupe Meta, donc Facebook et Instagram. Mais il y a encore rien dit. Donc moi, ce qui m'a appelé, c'est que j'avais vu plein de réseaux qui disaient 20€ pour accéder à Instagram, 13€. Non, on ne sait pas. On n'a pas encore les prix. On ne sait pas du tout quelle fourchette de prix ça va être. On ne sait pas si ce sera mensuel, etc. J'ai vu 10€ moi. Oui, mais oui, et moi j'ai vu 20 et puis après j'ai vu 13 pour les deux. C'est impossible, il n'y a rien qui n'a été communiqué officiellement vis-à-vis des prix. Fake news. Voilà, exactement. Fake news. Ce qu'on sait juste en fait, c'est que le groupe Meta a jusqu'au 6 mars 2024 pour se conformer avec le règlement européen sur les marchés numériques. En gros, c'est par rapport, il faut faire payer les gens pour bloquer la collecte de vos données personnelles. Donc, ce sera pas obligatoire que ce soit payant. Mais maintenant, on est obligé de proposer une alternative où les gens peuvent faire sans partager leurs données personnelles, donc sans avoir les publicités, etc. Et donc, pour avoir accès à ça, ce sera payant. Mais normalement, rien n'a encore une fois été dit officiellement. Si on veut juste que ça reste normal, qu'on s'en foute, qu'on prenne nos données, ce sera gratuit et ça ne changera rien nos vies. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais okay. prenez mes Parce données. Parce que moi, je me rappelle d'une époque où c'était écrit sur la page d'accueil de Facebook, c'est gratuit et ça le restera toujours. Exactement. Et quand on a posé cette question, il n'a pas répondu. Et un de ses porte-parole a dit oui, mais l'ère du web gratuit, c'est illusoire. En gros, ça ne durera pas. Money, money, money. Exactement. J'ai l'impression que ça va être un budget bientôt pour les gens. C'est-à-dire que il faut payer ton abonnement Facebook, ton abonnement Netflix, ton abonnement télé, ouais. Ton abonnement pour avoir ta petite pastille bleue qui t'achète un peu d'ego sur les réseaux sociaux. Donc tu prends Twitter et tu prends Instagram qui propose ça en ce moment, Facebook aussi. Ça va vite chiffrer haut quand même toutes ces conneries d'abonnement. Parce que l'air de rien, moi, là j'ai un peu fait le décompte parce que je regarde pas assez à ce que j'ai comme abonnement. Mais là j'ai un peu fait attention, j'ai fait ah, tiens, il y a un débit de ça. YouTube me coûte 10€ par mois pour ne plus surtout subir les pubs. Surtout que la vie est de plus en plus chère. Tout coûte cher et rajoute encore des trucs. Oui, mais après, c'est pas obligatoire. Encore une fois, c'est juste parce que tu veux plus les pubs, par exemple. Et là, ça va être exactement le même principe. C'est pas que les pubs que j'ai plus envie de bouffer. C'est juste que comme j'habite ici à Reyers, c'est-à-dire commune de Skarbek, ben, j'ai les pubs en flamand. Donc en plus de subir une pub, je les comprends pas. Donc je me dis autant payer parce que je le pire, c'est Snapchat. Hein. Je n'utilise jamais Snapchat, mais la seule fois où je suis dessus, à chaque fois, il y a des pubs. Snapchat, c'est le réseau où il y a les gens qui coulent des chapes. Non, mais quand tu regardes les stories, en tout cas pour moi, j'ai une story, une pub. Une story, une mais pub. Qui est encore sur Snapchat en 2023? Mais moi, j'y suis pas, c'est juste pour regarder parfois des stories comme ça de personnalité. D'accord. Et j'ai tout le temps des pubs. Donc on n'en sait pas plus pour cet abonnement Facebook. Non, donc pas besoin de s'inquiéter, pas besoin d'aller rien. Je m'inquiète. En fait, si on lit les articles, ça dit juste de on sait pas, mais normalement ça va être une norme. Donc on parle beaucoup de Meta, mais je pense que ça va être le cas pour tous les réseaux sociaux. Il faut proposer une alternative où les données personnelles sont protégées. Et donc du coup, une alternative payante. Mais encore une fois, si on s'en fout d'avoir les publicités, etc., et de partager nos données comme on le fait absolument partout, bah ça changera pas grand chose à nos vies. Après, on sait que d'office, je vais sortir la phrase toute faite du gars qui fait de la prévention à deux balles, mais à partir du moment où c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc forcément, à un moment, il faut rentrer dans le jeu. Tu vois, c'est forcément, si eux, ils fournissent un service gratuit, vous savez combien ça coûte d'héberger un site? J'ai l'impression d'être un politicien. Vous savez combien ça coûte d'héberger un site internet, le faire tourner les développeurs? C'est une boîte, c'est une société, il faut que ça ait une rentrée financière. C'est compliqué et ça se fait par la publicité, par la vente de données. Alors maintenant que ça paraît au grand jour, tout le monde est là. Oh non. On peut pas. Mais en fait, si, bah, ça a toujours été fait et c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à en parler. Maëva, dès que tu as des infos sur cet abonnement, tu reviens vers nous. Bien sûr. Dans un instant, le FaceTime arrive, c'est le jeu de Kix. Eh oui, je vais vous faire jouer. Il sera sympa cette semaine? Ah bah j'espère pour vous. Tu crois qu'un jour il va nous dire non, vraiment pas, vous êtes fâchés? C'est vraiment nul. Déjà fait, hein. C'est vrai. Ça arrive là, Ah, je suis no limite. Ouais. Une nouvelle séquence pour démarrer la deuxième heure de... Oh là, hey. Attendez, je remets tous les mots sur un petit post-it. Voilà, hop là, c'est dans le bon ordre. On aura une nouvelle séquence qui s'appelle les inflops pour démarrer la deuxième heure. Waouh, Jadoul et son équipe dans la trappe. Yountug maintenant. Bienvenue, merci de nous avoir choisis. On a plein de surprises. On a fait le point là sur ce qui arrive dans quelques minutes. Déjà Jean-Michel au sommet de sa forme. On va se connecter à son bar d'ici quelques minutes. On aura Radio Falminioul, toutes les séquences que vous aimez et des nouvelles comme les inflops. Ah, qu'est-ce que c'est les inflops? Vous découvrirez ça en début de deuxième heure. Urban Music Non-Stop, c'est bien. C'est bien. Très bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Ah oui, bah oui. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Merci de nous avoir choisi. Attention, il est l'heure de jouer au FaceTime de Kix. Je donne le bâton de la parole. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. freestyle. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festin, à table festin. Bon alors les amis, vous êtes prêts? Alors, je préviens. Hein. Je suis en train de filmer, je m'amuse, tu vois. Pas de tricherie. Ah ouais? Pas de bagarre. Le vainqueur reste vainqueur, ok? On ne l'insulte pas. Ça va? Bah, on s'est jamais battu, arrête. C'est vrai. Mais tu dis ça comme si on était des animaux. Non, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ça va, c'est pas l'Assemblée nationale ici, on sait se tenir. J'ai déjà vu des griffes là sur vos avant-bras. C'est Maëva, Lourdes, c'est pas moi. Tu veux foutre une mauvaise ambiance en fait. Allez, il faut un peu de compétition, allez. Vas-y, parce que sinon on va déjà oublier les règles alors. Ma mère a couché avec un chetemis. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'en 1934, ma mère a couché avec un chetemis. Un châtiment? Non, pas un châtiment, un chetemis. Un chetemis, comme ça, là, les femmes, les enfants. Oui. Michel Galabru. Bonne réponse, mais c'est très rapide. Mais iPhone rapide aujourd'hui. C'était trop facile. Ah là là, oui, mais j'ai. Mais justement, c'est ça qui est subtil en fait. Fais écouter les autres. Mais d'autres extraits. Extériorité, vous regardez. Oh non, non, non, c'est trop con. Oh, n'importe qui. Oui. En faisant de l'ordinaire, du banal. Oui. Pourquoi tu m'as caronflé cette nuit? Je t'emmerde. Non, c'est drôle. Bon, allez, deuxième personnalité. Non, attends, premier choix. Tu veux le Galabru, vas-y. Le troisième extrait, alors. C'est lequel votre préféré? Votre gros mot préféré? Attendez, parce que j'en ai plusieurs. Ah. Putain. Ah. On l'a vu, on l'a senti arriver de loin. Hein. Oui, mais oui. Parce que putain amène beaucoup de choses. On peut exprimer beaucoup de choses avec putain. Oui. La joie, oui. Putain. La déprime, putain. C'est vrai, mais c'est super vrai. T'as vu? Oh, il a raison. Et ça, c'est quoi? Saint-Tropez, les gens. Ah oui, il avait joué dedans. Bah oui, mais qu'est-ce que je suis con. Allez, merci. Vas-y, deuxième manche. Il a dit, je mets un petit peu de beurre. Et le mec, il a mis la moitié du pot de beurre. Il y avait ça, c'était une piscine de beurre dans ma poêle. Mais je dois dire que de temps en temps, ben, c'est bon et ça fait du bien. Ça me rappelle un souvenir avec Kix. Si on a le temps, on vous le racontera. La piscine de beurre, garde le son, parce que pour expliquer ça... Ah bah là, je l'ai prévu pour ça d'ailleurs, si jamais... Bon, vous n'avez pas d'idée du coup de la personnalité? Non, deuxième extrait. C'est le visage le plus rayonnant de la télévision belge. Elle est une de vos animatrices préférées. Belge. Elle a un peps absolument incroyable, une énergie débordante incroyable. Et surtout une vraie positive attitude. Son influence sur le moral des auditeurs est indéniable. Nous sommes très heureux de l'accueillir ce soir. Oh non ! Ah mais non ! Il allait donner la réponse. Ah bah bien sûr, mais c'est ça qu'il faut trouver justement. Pour une fois que t'as été malin et que t'as coupé. Bon, une animatrice belge, j'ai dit. Mais alors, moi, je sais pas, moi je connais personne dans le PAF Game. Ok. Belge. Allez, alors troisième extrait, et ce sera le dernier. Donc là, il faut trouver. Jusqu'à 9h, le 8-9. On est sur une autre radio. Ah mais j'ai coupé, on n'a pas tout entendu. Viva, oui, c'est vrai que Viva, il y a peu de radios qui commencent par ce nom-là, donc ça laisse le... C'est espagnol, c'est Viva. Viva. Viva, Viva. Où ça? Cité. Ah merde, on l'a dit. Bon, je sais pas. N'avez pas d'idée? Mais j'en ai plusieurs, mais... Mais non, j'ai au moins une, elle a une personnalité. Vas-y, vas-y. Non, j'ai rien dit. Mais une personnalité. Je buzz pour toi, je m'en fous. Non. Mais c'était le dernier extrait, donc il faut donner une réponse. Ah oui, là... Mais il y en a... Non. Mais dans le doute, donne-en une. Maria Del Rio, Julie... C'était une bonne idée, mais c'est pas ça, malheureusement. Julie Taton, Sandrine Corman. On va tous les faire. Bah oui. Je vous donne la réponse ou on le garde? Sandrine Danse. Sandrine Danse, ouais. Je l'ai pas dit, moi. Son Viva. Akima Darmouche. Son Viva. Pascal Vrabos. Bon, vous l'avez pas, je donne la réponse. Sarah alors. Depardieu. Ben, c'était ça. Mais non, c'était Sarah Depardieu. Je l'ai. Non, non, ça compte pas. Non. C'est bon, j'ai gagné le jeu. Jadoul et son équipe. Non, je rigole, ça va, vas-y, continue. Deuxième manche. Bon, du coup, il n'y a pas de troisième point. Troisième manche. Quoi, il n'y a pas le point? Non, non, attends, commencez à couper cette merde. Il n'y a pas de point. Ben, vous savez pas. Enfin, tu veux que je mette le point? Non, ça va être compliqué. Non, bah, t'as pas de points. Point. Dis, arrête, s'il te plaît. Je les ai tous dit. T'as dit celle qui restait. Et, t'as fait, et encore, t'allais encore en citer d'autres. Et t'as été même choqué quand t'as su que c'était la bonne réponse. S'il faut, j'ai encore deux personnalités là sous la main. Non. Donc, soit tu peux jouer on maintenant. Enchaîne. Ou alors. Relance la. Bon, tout se joue. M'en fous, tu comptes le point. Non. C'est qui le. Alors, d'accord, ok. D'accord, non, mais très bien. Ok. On va renommer en face triche. On donne des réponses ici, elles sont pas comptées. Bon, bon, allez. On fait la troisième personnalité ou pas? Allez-y, faites votre vie. Troisième manche. Ça me semble trop facile. Gagner la précédente. Une idée, pas d'idée? Non, j'ai pas d'idée. Je poursuis? Ouais, vas-y. Alors, je poursuis. Deuxième extrait. Francis Cabrel. Ah, c'est une bonne réponse, t'es bien Francis Cabrel. Non, j'aime bien Francis. Et là, c'est pas lui qui chante. Allez, écoutez la belle parodie. S'il m'arrive de dormir, ne serait-ce qu'un quart d'heure, elle aura qu'à ouvrir le réfrigérateur pour tout engloutir. Pour on dirait un peu une chanson à la Jean-Michel. Ouais. Ça aurait pu, ça aurait pu. C'est drôle. Elle ne mangeait rien. Bon, alors, j'étais en train de savourer, moi. Ouais, c'est bon. Ouais, tout va se jouer maintenant. Là, pour le coup, c'est vraiment la finale. Hein. Bah pourquoi? Tu m'as mis le point finalement. Mais non, t'avais eu ton premier point d'avant. Et j'ai eu mon point là. On fait égalité. Hein. C'est marrant ça. Allez, vas-y. Quatrième manche. Dernière bonus, personnalité. Hein. Premier extrait. Sophie Marceau. Elle était très rapide. Mais quoi? C'est la bonne réponse. Bah, c'est la chanson de la Boom. La Boom, qu'est-ce qu'il y a de connu dans la Boom, Sophie Marceau? Bah voilà. Moi j'allais dire d'abord Richard Anderson. Richard Anderson. Et tu voulais quoi d'autre d'extrait? Il a fait que ça le pauvre homme. Bon bah du coup ça fait 2 points pour Maëva. Belle victoire. Bim. Jadoul est déçu. Mais vous entendez, moi déçu? Je le vois. Moi je suis déçu? Moi? Est-ce que j'ai une tête à être quelqu'un de négatif? Ah non. Est-ce que j'ai une tête à être quelqu'un d'énervé? Ah non, pas trop. Non, non. Pas du tout. Que le bien des prochains, je ne trouve que du bon, même chez les pires des cons. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Allez, super séquence. J'adore quand ça fout une bonne ambiance dans l'équipe. Mais moi, je me suis j'avais dit pas de bagarre, hein. Ouais, j'avais prévenu. Hein. Ouais, c'est bien. Deuxième heure dans un instant. Dès 20h, c'est La Trappe. Merci de nous avoir choisi. 21h04, ça y est, on démarre la deuxième heure de cette folle émission qui a démarré. Mais un truc de fou, hein. Vous savez que je suis venu, on se dit la vérité, avec les pieds de plomb, un peu à la radio. C'est vrai? Parce que. Mais non, mais alors, c'est strictement personnel et vous n'avez rien à voir avec ça. J'ai un ou une aft, on dit, je sais pas. Je sais pas non plus, c'est une bonne question ça. Un aft. Google tout de suite. Un aft pour moi. Un aft, moi je dis un aft. J'ai un aft comme ça sur le bord de la lèvre. Le truc le plus inconfortable pour un animateur radio. Masculin. Masculin, un aft, donc voilà. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui disaient une aft. C'est horrible, du coup tu dois mettre du produit et tout ça. Alors ce produit, mais il arrache la gueule. Alors ça, pour moi, c'est un produit qui résout la guerre en Ukraine. Ok. T'en mets sur les gens, ils fondent. Voilà, moi j'ai mis ça sur ma plaie, là j'ai cru que ma bouche. Ça t'endort. C'est incroyable. J'ai jamais eu un produit qui me fait autant de mal. Il y a ça qui te fait du mal comme ça. Moi, je mets du bicarbonate de soude, ça. C'est pour récupérer les chiottes. Elle fait une recette carrément. Ça se mange pas, ça. Mais c'est Mamie Paula, c'est ses astuces. Mais tu demanderas une astuce à Mamie Paula, elle te dira tu mets du bicarbonate de soude. Bah, elle nous écoute. Tu dois laver une casserole, tu mets du bicarbonate de soude. Jadoul qui s'ouvre une bière en direct. Mais non, arrêtez. Non, c'est un coca. Oh, j'en ai marre. Je pensais pas que ça s'entendrait. Je vais couper mon micro. Un cola. Il est bon, ça va, au moins il savoure, vous voyez, on fait vraiment tout en direct ici. Voilà, ça fait plaisir. On va faire une nouvelle séquence. Oui. Ça va faire plaisir, c'est une évolution des infos qui passent à la trappe, mais un peu plus élaborée, c'est-à-dire que c'est les infos qui flopent. On va déposer tous les noms des séquences. Ah bah avec tous les noms de séquences qu'on a fait là. Je pense qu'on est l'émission qui a le plus de noms de séquences. Ah, on a un gisier nous. Hein. On a caché un dictionnaire. Je pense que les autres radios se branchent chez nous pour avoir des idées pour leur émission. Ça c'est sûr, on les connaît hein, vraiment. Je vous propose qu'on démarre. Première info, c'est un couple néo-zélandais qui a obtenu un remboursement de leur vol Singapour-Paris. La raison, ils ont été placés à côté d'un chien. Okay. Un chien émettant des gaz, des ronflements, de la bave. Un peu comme Maëva quand elle s'endort. Après quelques réclamations, la compagnie aérienne leur a offert un remboursement de près de 700 euros chacun pour compenser ce désagrément. Oh, c'est bien. Bien que le couple estime que cela aurait dû être davantage. Cet argent aura finalement été donné à une association qui fournit des chiens à des personnes non-voyantes. Oh, c'est bien ça. On va les penser. Ah bah à côté de ça, on peut dire aux chiens. Ah, c'est une infection là. Quelle horreur. Vous savez, c'est pour moi les pires chiens. Oh. Mais alors les pires chiens, c'est les petits, désolé pour ceux qui en ont, des petits bulldogs. Ouais, c'est, oui. C'est lourd, ça pue, mais ça pue, genre c'est une usine. La respiration déjà, ouais. C'est un cauchemar. Deuxième info, en Floride, deux enfants âgés de 10 et 11 ans ont été interceptés par la police après avoir conduit la voiture de leur mère. Quoi? À 10 ou 11 ans, mais... Mais moi j'ai pas le permis. Sur plus de 350 km. Autant moi j'ai jamais touché un volant de ma vie parce que j'ai pas de permis. Autant eux ils ont fait fort. Ils avaient entrepris ce voyage car leur mère leur a confisqué leur téléphone et leur console. Mais vous imaginez la ils scène? Sont fous. Attends. Mais c'est quoi ces gosses? Mais je comprends pas. On récapitule hein. Le téléphone. Ah ben. Bravo le son encore une fois. Le téléphone. La console de jeu. Et puis la voiture. Une réaction face à cela, je sais pas moi. C'est ça la bomba. Ça pique au pont. Ils sont inversés. Vraiment au niveau des sons, on est très fort aujourd'hui. Je la refais, on coupera au podcast hein, évidemment. Une réaction face à cela. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ils avaient jamais entendu le son en entier, je pense. Non, la fin, j'avais jamais entendu. Ah, je rêverais de faire ça sur la console. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ah, c'est énorme, je vais négocier mon contrat comme ça. Troisième et dernière info, chez nous en Belgique, un adolescent de 14 ans de l'Institut Saint-Louis de Warem a été conduit aux urgences. Aux urgences. Après avoir participé au One Chip Challenge. Ah oui, j'ai vu passer ça. Vous savez ce que c'est? Non. Oui. Bon, c'est un défi consistant à manger une chips extrêmement épicée. Ah oui. Et on doit filmer sa réaction. Donc c'est déjà un challenge à la con. Hein. Le directeur de l'école a finalement essayé lui-même de bouffer cette merde. Et on a sa réaction. C'est ça la bomba. Ça pique au fond un petit peu. Mais Et le directeur l'a déconseillé vraiment, hein, mettant en garde tout le monde contre les risques de ce défi. Bon après il s'est retourné vers l'enfant en disant tout en mangeant une chips parce qu'il a pas perdu le nord. Hein. Jadoul dès 20h sur KIF. Hamza maintenant, juste après Radio Famignoul. Bienvenue, on a dit des trucs. C'est pas racontable. La décence nous interdit de raconter ça à l'antenne. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Pardon, pas de tenue. C'est pas bien. Non, mais... c'est pas bien d'exclure l'auditeur des blagues comme ça. Mais c'est toi qui fais des trucs de pas sympas. Ah, ça va. Moi j'ai entendu. Hein. J'ai lâché une méchante phrase à Maëva. Mais juste moi j'ai lu sur ses lèvres. Et vu la réaction qu'il dit qu'il peut pas dire à l'antenne, je crois que je sais ce qu'il a dit. Est-ce qu'on parle bien du moment où j'ai dit. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà, je l'ai dit que dans son casque. Hein. C'est vrai? Oui, oui. Normalement, on l'a pas entendu à l'antenne, ça se trouve, on l'a entendu. Et là, je m'arrangerai avec la technique. C'est un autre problème. Maëva, en parlant de. De tout ça, le fallait nous le dire plus tôt, c'est sur quoi? Ah ben ça va être chouette, vous allez devoir travailler pour de vrai aujourd'hui. Sympa. Parce que d'habitude, mais... vous essayez de trouver, mais enfin voilà. Bon. Vous abandonnez vite là, il y a de quoi trouver. J'ai une liste de 10 aliments qui ne périment jamais. Non. Si. Alors le hamburger du McDo. Non, il est déjà pas dans la liste. En parlant de ça, il y a un truc que j'ai laissé chez toi d'ailleurs qui a périmé, Jadoul. Vous vous rendez compte? Parce que, vraie anecdote, dans mon couloir, je passe comme ça, mais ça pue, un truc qui sent comme ça. Et je me dis, c'est fou, alors je nettoie mon couloir, ça pue dans le couloir, systématiquement, il n'y a pas moyen de faire en sorte que ça sente bon. Je cherche, Et un jour, je me dis, je vais aller au fond de l'armoire. Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'armoire? Un sac avec des affaires pour Kix quand il dort à la maison, voilà, comme ça, il y a de quoi dormir dans le canapé. Et dans ses affaires, au milieu d'une couverture, d'un coussin ou je sais pas quoi, je trouve un plat préparé de pâtes. Oh, mais t'es détestable. Mais oui, mais écoute, là, depuis, attention, accrochez-vous bien, février 2023. Non, tu mens. Je vous promets. Tu mens. En plus, moi je dirais même plus. Tu l'as retrouvé quand? C'était quand avant-hier? Non. Mais si. Mais ça puait, mais tu t'imagines pas. Mais elles étaient vivantes, mais en fait, je suis venu, déjà j'avais fait un stage ici. Oui. Et donc j'avais des plats qui étaient restés donc dans un sac et il dormait chez moi quand il était en stage, enfin là. Et du coup, moi j'ai complètement oublié. Et Kix, il a l'art quand même d'égarer ses affaires, donc ça veut dire que je lui ai envoyé la photo de son plat et il m'a fait "Ah, c'est bien." C'est à moi, mais oui, c'est à toi. Et t'as brûlé toutes ces affaires après, au moins? Non, je l'ai mis à la poubelle. Je me suis perdu. Je suis désolé pour ton plat, mais voilà, on passera notre chemin. Donc voilà, c'est ça qui puait dans mon couloir. J'ai enfin trouvé. Je suis très heureux. Merci à tous. Fabuleuse anecdote. Merci Geeks. Grâce à toi, on a toujours du contenu pour cette émission de haute qualité. Mais du coup, il y a 10 aliments que si Geeks oublie dans votre placard, ils ne périmeront jamais. Ils ne périmeront d'ailleurs, ce jamais. Ce sont les 10 aliments que tu seras autorisé à ramener chez moi. Allez, je note. Voilà, ça arrive dans quelques instants. Ça s'appelle le fallait nous le dire plus tôt. Si vous avez une idée, n'hésitez pas dans la voiture, vous pouvez jouer avec nous, hein. Dites-vous quels sont les 10 aliments qui ne périment jamais. Dites-le moi sur mon Instagram Jajadoul. Peut-être que vous trouverez avant moi. Peut-être. Et abonnez-vous. Il y a beaucoup de chance. Vous trouverez avant Kix, on sait pas. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de chance. On se retrouve juste après ça. 10 aliments qu'on ne digère jamais, c'est la question du fallait nous le dire plus tôt. Qui ne périme jamais. Ah oui, pareil. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Et on a une coutume dans cette émission, quand c'est sa séquence préférée, on a le droit de la présenter. C'est pour ça que Maëva, je te laisse l'antenne pour ce qui arrive. Mercredi, il est 21h19, l'heure de laisser l'antenne 3 minutes à Radio Famignoul. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Famignoul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fait leur première interview de star en anglais avec traduction simultanée. Vous êtes à l'écoute de Radio Famignoul sur la... Sur... C'est quoi déjà la fréquence? La 97.8. 9. Ah non. Oui, 8.8. Ah, oui. La 97.8. Merci, mon Guy. C'est vrai que j'ai difficile à retenir depuis ce changement de fréquence en 87. Radio. Guy et moi-même, nous vous disons bonsoir. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un artiste que nous aimons. Pour une fois, je dois vous prévenir que cette séquence va se faire en anglais, mais rassurez-vous, Guy va se charger de tout nous traduire en direct. Hello, Dick Rivers. Bonjour, la rivière du Zézé. Oh, mais qu'il est con. Non, Dick Rivers, c'est son prénom et son nom, faut pas traduire ça. Oh, non. Bon, reprenons. Et Guy, tu ne traduis que les phrases de Dick. Bien reçu, I'm ready. Monsieur Dick, ma première question. Dick, my first question. You say that is the new album. Is it unlike anything you've done before? I have derived much pleasure from performing my job, which is the job of an interpreter. Dick dit qu'il a beaucoup roulé jusqu'à son job en tant qu'interprète. Bien. Thank you. Deuxième question, 2100 questions. Rock and roll was brought to France by people living near American military base. As far back as I can remember, at the age of 7, when I would leave school, there were MPs, Americans, who would give us chewing gum. Alors, selon lui, son père lui offrait à l'âge de 7 ans des chewing gum dans un zoo. J'ai pas compris le rapport. Mais moi non plus. Bon, enchaînons sur la question 3, the three question. You said I was Elvis was Bush distill of music. Bien sûr. From the black to white. Elvis is Jesus? If we assume that rock and roll can be considered as a religion, then Elvis becomes Jesus. Le rock and roll est la religion, ce qu'Elvis est au cheese, donc au fromage. Évidemment. Oh, vous m'impressionnez. Vous êtes un grand, le grand Dick, the big Dick. À ne pas confondre avec le big deal, ça c'était la gaffe. Bon, encore une question, Dick. Translation, crédit finished, come back tomorrow. Please, bugue crédit. Et qu'est-ce qu'il a dit, la Guy? Mais il a dit... Parfait, merci mon Dick pour cette interview très riche pour nos auditeurs. Nous vous souhaitons une bonne réussite dans votre carrière d'interprète. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? La dernière... Arrête de rire bêtement, explique-moi. Mais la dernière question que tu voulais dire, c'était... Crédit de traduction fini, revenez demain. Ah, je pense que ton traducteur n'avait plus de crédit quand t'es arrivé au bout et que t'as préparé. Oh, pas étonnant qu'il t'ait répondu. Ah, le nul. Il fait croire qu'il sait parler en anglais. Ah. Ouais. Et Guy, tu veux qu'on vérifie tes traductions à toi? Oh non, ça va. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Est-ce qu'on leur dit que Dick Rivers, il est français? Est-ce qu'on leur dit que Dick Rivers, il parle français en fait? Mais du coup, ça s'est passé comment? Il est même belge. Bah voilà. Alors, non mais sans rire, on va quand même vous raconter les coulisses de cette séquence parce que... pour pouvoir avoir... Ah non, il est français. Much pleasure from performing my job, which is the job of an interpreter. Pour avoir ça, ouais. Dick Rivers, qui est français, qui parle en anglais, on a fait appel à l'intelligence artificielle. Aha. Et donc, la vraie phrase en français, c'était ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire mon métier, qui est un métier d'interprète. Et on l'a fait faire par une intelligence artificielle. I have derived much pleasure from performing my job, which is the job of an interpreter. Mais c'est incroyable. Mais c'est génial. Waouh. Bah j'ai plus besoin d'être là. Du coup, il y a quelqu'un qui sait parler à ma place. Si on part du principe que le rock'n'roll, on peut considérer ça comme une religion, à ce moment-là, Elvis devient Jésus. Ce qu'il donne en anglais. If we assume that rock and roll can be considered as a religion, then Elvis becomes Jesus. C'est super crédible. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Oui, Maëva. C'est génial, je suis bluffée que vous ayez autant préparé votre séquence. Non, je rigole. C'est un choc quand on ne prépare pas. Hein, oui, voir des gens qui bossent, c'est un peu. Je comprends, Maëva. Hey, pas de bagarre les deux là. Bah, je vais la taper direct. Non. Devant le. Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Ah là, c'est le moment de Maëva. Elle va nous apprendre pourquoi est-ce qu'il y a 10 aliments qui peuvent nous faire mourir instantanément. Pas du tout. Et comme je retiens pas l'intitulé, je dis n'importe quoi, comme mais ça je suis sûr que tu me corriges. Si tu le retiens pas, ça veut dire que tu cherches même pas. Mais je m'en fous. Voilà, je le dis honnêtement, je n'en ai rien à foutre. Non mais si, c'est juste que j'ai pas de mémoire instantanée, c'est le problème. Oh. Il faudrait que je me le note. Il faudrait le mettre dans la conduite. C'est les 10 aliments qui ne paiment pas. Ah non, par contre, alors autant j'ai pas fait grand chose dans la conduite, mais celui-là, il a été noté. Parce que c'est une des premières choses que j'ai préparées. C'est la première séquence moi, que j'ai écrit. Fallait nous le dire plus tôt. Réponse à une question du quotidien que personne ne se pose. Ah, dans la conduite. Ah, oui. Je crois que tu disais dans le texte. Non, c'est autre chose. Ah, il faut le mettre aussi dans la conduite. La conduite, c'est ce que j'ai sous les yeux toute l'émission. Ce qui me permet de structurer le truc. D'ailleurs, c'est ce qui me permet de voir que le bar de Jean-Michel va ouvrir d'ici quelques minutes. On va le retrouver. En effet. Cette saison, c'est plus qu'un ivrogne. Il est aussi tenancier de son propre bar maintenant. Donc, il est monté en grade. Qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, les 10 aliments qui ne périment jamais. Voilà. Est-ce que vous savez au moins en trouver quelques-uns? Bien sûr, courgette. Oui, bien sûr. Je pense que c'est des aliments qu'on ne met pas au compost, par déduction. Bah, il faut penser à ce qu'il y a dans les boîtes. Il suffit d'ouvrir mon frigo, tout est pourri. Comment? Il suffit d'ouvrir mon frigo, tout est pourri. Il n'y a pas que le frigo, du coup, les armoires avec. Les carottes, ils les vendent par trop. Ouais, attends. Il y en a trop à chaque fois, il y en a trois qui pourrissent à la fin. J'essaye de voir des trucs, des pâtés, enfin tous les trucs déjà en conserve. Bah en conserve, non. Bah non. Non mais, ouais. Mais la bouffe en poudre bientôt. Du temps de la guerre, ils avaient leur petite boîte avec plein de trucs dedans, le kit de survie. Oui, mais ça c'est des trucs de. Mais s'il y avait du manger dedans, il y a des trucs qui périment pas. Mais on parle du manger de tous les jours. Oui, bah des aliments déjà, pas des c'est pas un plat, faut pas me dire les macaronis fromage jambon quoi. Un aliment seul. Qu'est-ce qui brime pas? C'est une bonne question. L'amour pour ma copine. Vous en avez vraiment au cas, il y en a 10. Oh, ça c'était mignon, pardon. Je me suis énervée. Oh. Mais allez, donne-nous un indice. Je vous en donne un comme ça? Non, pas un, mais donne-nous un petit indice qui pourrait nous mettre sur le truc. Nous aiguiller. Mais souvent, c'est des aliments, donc c'est des ingrédients qu'on met dans des préparations. La farine. Ah, des condiments? Non, la farine, il y est pas, mais... Le sucre. Voilà, le sucre. Le sel. Oui. Bon, on y va, oui. Les fraises tagada. Le sel. Bah, le poivre, bah, tous les épices, quoi. Ah bah oui. Les épices en général, mais non. Yeah, j'en ai plus de 10. Alors, l'Orient, le sel, les herbes de Provence... Tu l'avais pas celui-là. Hein. On y va, on veut le classement, on veut les vrais. Donc on a bien le sel, comme l'a dit Kix, le sucre, mais aussi la maïzena. Voilà, ah oui. Elle périmera jamais, vous pouvez la garder. Le vinaigre de vin blanc. Voilà, c'est le genre de truc qu'on ouvre et qu'on garde super longtemps. Mais parce c'est vrai que, ça. Eh ben c'est bon, il n'y a pas de souci, ça ne périmera pas. L'indétrônable, c'est le miel. Le miel, vous pouvez le garder, alors que c'est fou parce que ça vient quand même de... Enfin, c'est un truc... Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, ça allait périmer, mais pas du tout. En fait, c'est tellement il y a de sucre dedans que ça ne périmera jamais. Ouais. Le riz blanc aussi, ça ne périmera jamais, ainsi que les pâtes, on les met ensemble. Bah, c'est vrai que c'est les trucs qu'on a toujours dans le fond du placard. C'est ouais. Ça. Le sirop d'érable aussi, pour ceux qui sont fans de pancakes. Sirop d'érable. Et qui se disent, je vis tout seul, je vais pas acheter le grand tube parce que sinon, non, ça ne périmera jamais. Le miel peut-être aussi. Je l'ai dit juste avant. Ah, j'écoutais pas. Je l'ai dit juste c'est avant. Vrai, c'est vrai, en fait. Le l'huile de coco et enfin les légumes secs. Donc ceux qui ont été déshydratés, qu'il n'y a pas d'eau dedans. Ah oui, ça, on en a un distributeur. Ouais, je n'aime jamais. Hein. Dis, on a parlé de maïzena. Il n'y a pas une anecdote avec ça, Jadoul? De maïzena? Hein? Mmh. Ah ouais. C'est ça que tu pensais quand tu ne m'écoutais pas pour le miel? Oui. À ton anecdote de maïzena, vas-y. Oui. Fais-moi plaisir. Je peux la raconter? Vas-y. Oui, tu peux. Oh, il me faut une ambiance de mer, là, attendez. Ne bougez pas, parlez entre vous 2 minutes. C'est bien ce 10 ingrédients. Mais j'ai l'impression que c'est l'émission des anecdotes, en fait. Vous êtes en train de. C'est vrai. Nous raconter. On a le droit, non? Vos mais... petites vies. Est-ce que les auditeurs, ils aiment? Ça, c'est une bonne bien question. Bien sûr qu'ils aiment. En vrai, les gens aiment bien savoir un peu sur les autres, ce qui se passe. Sur les autres. Sur les autres. Tant que c'est pas trop long. Qu'on se dit sur les autres. Ce qu'ils se disent, c'est les commérages ici. Bon, faut que je vous raconte. Petite ambiance. Ah si. Ah ouais, carrément. Non, c'était pas dans le bruitage, ça. Imaginez-moi, un jour d'été où j'en avais ras le cul de travailler, j'ai pris le train, je suis parti à la mer. Oui, c'était à peu près ça. Et là, j'arrive sur la plage à Blankenberg. Ah. Je m'allonge. Ouh. Je retire mon jeans. Oh. Ah. Je retire mon t-shirt. Ah. Je reste toute l'après-midi, étant donné que je m'endors. Oh, ouais, oh. Mais quel est le rapport? Bah, t'as enlevé ton t-shirt. Ah oui, non, mais si je m'endors, je fais plus de bruit là, moi. Ah oui, c'est vrai. Et donc là, oui, merci. C'est vraiment très imagé. Hein. Non, c'est bien, on continue comme ça. Alors, donc là, je suis endormi. Et je me réveille. Dans une chaleur insoutenable. Là, je m'en rends compte de rien. Je reprends le train et je vois les gens qui me dévisagent. Quelle horreur! Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je me fais regarder aussi mal par les autres gens dans le train. Et là, j'ai une dame qui me dit « Vous allez bien? Ça va? Vous êtes sûr que ça va ?»« Ah oui, ça va. » Je rentre chez moi, je vais me coucher, tout va bien. Je me rends compte de rien. Il s'est passé 4h30, quand même. Hein, pas de bien. Et là, je me rends compte que je suis brûlé sur l'intégralité du corps, étant donné que je me suis endormi au soleil. Donc, tout mon corps a été bouffé, mais c'est plus un coup de soleil. C'est-à-dire que là, j'étais une pancake... trop cuite. Alors, attends, pause. Tu t'en es pas rendu compte? Non. T'avais pas mal. Et tu vois pas tes bras qui sont rouges. Je veux dire, regarde là, je tourne mon bras, je vois mon bras. Je me regarde pas. Mais tu le fais sans te regarder, tes bras tu les vois dans un... Non. Ok. D'accord. On sait pas. Oui, donc j'étais en train de dire. Là, il est l'heure de se coucher. Et je me rends compte que c'est impossible. Parce que mon corps est une taque de cuisson. À puissance maximale. Je ne peux pas dormir, c'est impossible. Il surchauffe. Je suis en surchauffe totale. Comment faire? Qu'est-ce que tu fais quand t'as un problème de santé? Tu vas chez le médecin de base. Non, tu vas voir sur internet. Ah oui. Et là, je lis un forum qui dit le meilleur remède, c'est soit pour guérir le coup de soleil, se mettre du citron sur le corps. Ah, oh, mais non, ça a piqué. Ou alors, du javel. De la maïzena sur l'intégralité du corps. Un aliment qui ne périme jamais. Pour se soulager. Et pour que la maïzena tienne à ton corps toute la nuit, il faut le cellophaner autour de toi. Non, non. Je me retrouve à 1h du matin. Sur mon balcon pour pas en foutre partout. À me remplir de maïzena sur tout le corps. À me cellophaner le corps tant bien que mal. Tout... Non, oui, j'en ai une, mais je l'ai supprimée. Oh. Non. Si, si, je ne pouvais plus. Je l'assumais pas. Et donc là, j'ai mis la maïzena autour de moi, le film plastique et tout. Donc là, j'étais le bonhomme Michelin, mais version maïzena. Je vais me coucher. Pendant la nuit, évidemment, ma peau ne respire pas. La maïzena, j'en fous dans tout le lit. Oh, je pense que les draps étaient à jeter. En plus, si t'as transpiré, ça a dû faire une espèce de pâte. Et le lendemain, il a fait des crêpes le lendemain. Oh. Le lendemain, je descends un peu plus bas dans le forum que je lisais. Et là, je découvre qu'un utilisateur répond à ces précieux conseils que j'ai appliqués. En fait, faites pas ça, vous êtes con de lire des conseils sur internet. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Voilà, je passais pour un con et ça a servi à rien. Et j'avais la peau qui pelait partout. Heavy. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Ah, Maëva, t'es contente hein, maintenant que cette saison, il est pas avec nous. Pas de risque de main baladeuse, oui, oui. De regard lubrique. Mais c'est ça, en fait, je me rends compte que je l'aime encore plus à distance, Jean-Michel. Oui, ça fait partie de ces... Moi, qui, je l'aime à distance. Par mais exemple, enfin... cette séquence-là sort, tu vois. Ah. Va dans le couloir un peu. Ah, va faire ok, un ça peu. Va, je m'en vais. Allez. C'est bon, là. Ouais, ça, encore un peu recul. Oh. Oh, ouais. Oh, bah, en parlant de oh, ouais. Tout à l'heure, dans le Blenklet, la musique machine qui reviendra, il y aura Mettre le Feu. Moi, je suis déjà arrivé. Oh, non. Allez, va aller rejoindre Kix dans le couloir, celui qui fait jamais de points. Moi aussi. Allez, allez, hop là. Ouvrons le micro maintenant de Jean-Michel qui est... Oh là, il y a de nouveau du bruit. En même temps, c'est son bistrot. Jean-Michel en direct de son bar. Jean-Michel, vous êtes là, vous allez bien? Bonsoir, bonsoir, oui, oui. Oh mon Jadoul, tu tombes à pic, hein. Ici, dans mon bar, j'ai entendu dire certaines choses. Ah, c'est vrai que vous devez en entendre des choses depuis que vous êtes barman. C'est le moment de partager les ragots, alors. Je te le dis, il paraît que les Liégeois ont créé leur propre boisson au cola. Comme le Coca-Cola. Enfin, on n'a pas cité de marque, hein, Pepsi, bien sûr, on peut en citer d'autres. Donc Liège aurait créé sa propre boisson. Mais plein de marques, en fait, font déjà ça, Jean-Michel, c'est pas une grande nouveauté. Ah oui, monsieur, mais ici, la recette est spéciale. Ah oui, ah. Vous pouvez le redire aussi près du micro, parce que là, vous avez fait saturer. C'est vrai, j'ai réussi. Oui. Oh, j'en suis trop fort. On dit spécial. Spécial. Ça, c'est bien. On sent bien les cordes vocales. C'est un micro qui coûte de l'argent, quand même, dans vos mains, donc faites attention. Allez, dites-nous, vous avez des infos? Oui, mais tu ne le diras à personne, hein. Oh, rassurez-vous, tout ce que vous dites dans ce micro reste entre vous et moi et les gens qui écoutent. Et un petit peu comme dans votre bar, quoi, au final. Bon, vous êtes pas très convaincant, mais enfin bon. Donc la boisson est appelée Paola Cola. Paola? Oui, Paola. Bon, c'est tout de même marrant de se dire qu'on va boire au goulot de notre ancienne reine, hein. J'espère que vous rigolez chez vous, hein. Oui, on rigole. On sait pas, ça va tuer, hein. Bon, j'espère au moins qu'elle se lave les dents. Enfin, soit. Jean-Michel, recentrez-vous. Et pardon, je m'éparpille. On va en savoir plus sur cette boisson liégeoise. Bon, ok, bon. Entre le fait qu'ils utilisent une majeure partie des produits locaux, hein, qu'on peut trouver sur Liège et un peu partout en Belgique, sa production utilise également un ingrédient mystérieux dont je suis le seul à être au courant. Eh oui, vu que je l'ai entendu dans mon bar. Vous ne l'entendrez pas ailleurs, hein. Oui, ça, on a compris. Mais dites tout. C'est parce un secret mystérieux. Oui, ça va. Non, tu es le seul à qui je le confie. Arrêtez ce suspense. Dites-nous tout. D'accord. Mais soyons discrets, alors. Hein. Je vais vous le dire, mais en chantant, parce que ça passe un peu plus inaperçu. Non, mais les chansons, on avait dit que c'était fini. Je suis choqué. Attendez, il y a de la gaufre dans leur boisson? Il y a de la gaufre dans leur boisson, oui. On va découvrir tout ça en chanson. Oui, bah oui, écoutez-moi. Bon, allez, c'est parti. Jukebox. Qui rend T'imagines, même moi je suis choqué, mon Jadoul. Ah, alors moi aussi je vais créer un cola. Le Jean-Mi-Colas. On s'est bien dit ça. Non, il faut pas le S à la fin. Non, bah, le Jean-Mi. Bon, moi je trouve ça fait plus chic. Et moi aussi j'aurai un ingrédient secret dedans et personne ne le connaîtra. Oh, bah laissez-nous deviner, je pense que même Maëva là. De la bière. De la bière, par exemple. Oh, bah vous en avez trouvé. Oh, bah je suis déçu, hein. Ouais, c'était ça, évidemment, ouais. Juste vous dire que ça existe, hein, déjà, la bière avec du coca ou du coca avec de la bière. Ah, ça s'appelle un mazout. Comme ça, vous savez, Jean-Michel. Hein? Vous en servez peut-être pas dans votre bar, mais vous devriez. Voilà, Jean-Michel, à bientôt. Ah bah c'est noté, je le note, un mazout. Un mazout de Jean-Michel, alors. Un mazout, et confondez pas, parce que vous allez tuer des gens sinon, hein. Parce que d'accord, un mazout. Je mets du mazout. Non. Du coca. Oui, mais s'il vient... Enfin, du cola. Oui, parce que s'il vient dans une citerne, je peux vous dire que le mazout, là, vous verrez plus deux fois vos clients. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Peace out. Ah, j'adore. J'ai pris un de ses plaisirs sur ce titre, on peut le réécouter? Non. D'accord. La trappe, tous les mercredis dès 20h, avec... Oh yeah. Avec Jadoul, sur KIF. Moi, j'aurais essayé. Archive ! Il est l'heure de faire notre certifié. On remonte il y a un peu plus de 10 ans. Ouh. Dans cette émission que vous avez peut-être suivi, que vous avez peut-être adoré même, Confession intime. Oh là là, Confession intime. Non, pas adoré, mais voilà, ça, parfois, c'est marrant. Un peu nostalgique de cette émission. Ouais. Ça sentait un peu le faux, tu vois. Un peu le Secret Story. Non, bah non. Attends, on parle bien du truc. Ils ont été piégés une fois par Rémi Gaillard, ça c'est vrai. Mais. Normalement, c'est pas censé être des comédiens, c'est des vraies situations, des vraies vies. Des vrais cas qu'on va voir. Et c'est ça, oui, si, oui, cher gars, oui. Des vrais cas. Des vrais cas. Un cas. Comme Kix. C'est pas sur toi, ce Confession intime. On va s'intéresser à Giuseppe. Ah. Giuseppe qui a 37 ans, il est informaticien. Je suis ingénieur informatique. Hein. Et quel est son premier réflexe tous les matins? Ça peut être une dinguerie, hein. Confession intime, ça peut être une dinguerie. Ah bah justement, c'est pour ça, à mon avis, qu'il passe dans l'émission. Tous les matins, dès l'aube, ce bel âtre se met dans la peau de Rocky Balboa pour faire ses 500 pompes, musique à fond, au beau milieu du bureau. Voilà, 500 voilà. Pompes, waouh. Moi, je suis déjà pas en fer de, je vous préviens. Baisse ta musique. C'est bon comme ça? Non, c'est bête. Ça coûte 420 pompes. Tu vas leur faire la part. Je vais les faire ici un peu. Non. J'aime bien, je vais en faire 30 ici. Ça sent la bonne ambiance, hein, quand même, dans ce couple. Ridicule, quoi. En plus, avec ton short Rocky, là, c'est quoi ça? Tu crois que t'es Rocky ou quoi? T'es pas normal, je te jure. Mais t'as une chambre là-bas. Moi, j'aime bien rester avec toi, j'aime bien que tu me regardes. Non, non. Il veut à tout prix que sa meuf l'admire pendant que le gars est en train de faire ses pompes. On s'en fout du repassage. Ça passe après, ça. Si tu m'aurais aidé, j'aurais pas eu de repassage. C'est sûr, tu fais attention, hein, parce qu'il faut, faut pas l'abîmer. Hein. On s'en fout du repassage. Ce t-shirt, tu fais attention, s'il te plaît. Quoi? Cela dit, il fait des pompes, il arrive à parler en même temps, il est très fort. Hein. Oui, vu la conjugaison, il est pas très fort non plus. Hein, parce oui, que si j'aurais. Après, moi j'ai faim, hein. Je suis pas ta conchita, t'as compris? Bah, tu vas quand même faire manger. C'est minimal de me laisser comme ça sans manger. Hein. Besoin primaire, le gars. Hein. Il fait 1m76, 78 kilos de muscles, 3 grammes de cerveau. Il est narcissique. Enfin, pas tant que ça si on le croit devant sa caméra dans la confession intime. Je trouve que j'ai un regard très méchant. Je mets des lentilles de couleur grise pour attendrir un peu mon regard. Je suis un faux beau en fait, je suis un faux beau gosse. Si j'ai pas rasé, j'ai pas un corps comme je l'ai aujourd'hui. Si je suis naturel, on va dire, je me trouve vraiment pas beau. Ouais, naturel hein. On va quand même préciser qu'il est passé par la chirurgie esthétique, un plan capillaire, dents, nez. Ah oui. Ah oui, il a tout refait quoi. Sauf que sur le temps de sa transformation, sa copine a pris 10 kilos. Mais c'est pas grave. Ah bah non, pour moi non. Mais c'est une prise de poids qui visiblement déplaît à cet obsédé de l'apparence. À long terme, qu'est-ce qui m'énerve, c'est que toi tu manges des crasses, tu grossis, tu te déformes, tandis que moi j'ai fait tout pour rester bien. Donc il y a quelque chose qui cloche. Allez, après le jeu du essayer de ne pas rire, on va jouer à essayer de ne pas être choqué. C'est trop tard. C'est vrai, c'est trop tard. On est... Ah bah attendez. À long terme, dans un an, tu vas être comme une baleine, quoi. Mais ça, c'est quand même mon problème. Mais non, parce que t'es avec moi. Après, j'aurais honte de sortir avec toi, c'était trop grosse. Mais enfin... Quand tu te dis qu'il peut pas faire pire, il continue, il y va. C'est pas mal, là. On a déjà monté d'un cran. On continue. Attention. À long terme, tu veux pas avoir un beau corps. Tu veux pas avoir une fille qui a un beau corps. Tu veux être grosse. Tu veux être comme une baleine. Baleine, ça va. Mais je dis, façon de parler. En mangeant de ces chocolats, en mangeant ces crasses, c'est ça que tu vas devenir à force du temps, quoi. Encore un petit cran. Fais 420 pompes comme moi, hein. On continue, on fait pire. Oui, attends, c'est possible. Moi, je t'accepte comme, comme non, tu parce es. Que quand je t'ai pris, tu étais bien, tu étais mince. Tandis que là, maintenant, depuis qu'on est ensemble, tu commences à prendre du poids. Et je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Mais toi aussi, c'est exagéré. Tu dois t'arrêter maintenant. C'est maintenant que t'as encore ta chance de redevenir comme avant. Je veux pas. Mais il a aucun tact, en fait. Et elle, elle veut pas, surtout. Donc, en fait, respecte-la, en fait. Si elle dit non, je veux pas, je suis bien comme je suis, je m'accepte comme ça. Bah oui, mais même la façon où il l'amène. Bon, allez, pour le plaisir, s'il vous plaît. On monte encore d'un cran. La machine est prête. Vas-y, mon grand. Donne tout ton génie face à ta meuf. Non, mais quand tu seras plus rentré dans tes petites robes sexy et tout. Mais ça, c'est mon problème quand même, c'est pas ton problème. Mais si, parce que tu te balades avec moi. Non, mais attends, attends. Mec, tu peux encore faire mieux pour être vraiment bon connard. Ben, ça veut dire que t'as honte de moi. Je veux mon reflet au féminin. Voilà. Je veux mon reflet au féminin. Il l'a dit. C'est exactement oh, le ça. Melon, le melon du gars. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, merci. Vous vous rendez compte quand même. Et du coup, il est célibataire aujourd'hui. Non, non, attends. Ah. Comme il lui dit, tu rentreras plus dans des robes, t'es oui. moche, voilà, je veux mon reflet au féminin. Quelle est la meilleure des choses à faire? Aller au magasin de vêtements pour essayer une robe. C'est là la fraise. Mais pourquoi tu dis qu'elle est Je sais pas, je le vois déjà. On fait pas tête ça en valeur, tu vois, ils sont cachés. On dirait que t'es grosse. Ça, c'est un tout, quoi. T'as pris du vent, ça se voit. Je pense c'est vexant quand tu dis, dis ça. Si t'as pris du poids là, t'en dirais une femme enceinte. Là, tu vas pas sortir comme ça, faut déconner, putain. On dirait une femme enceinte, voilà, ça donne pas de la confiance pour acheter une robe. C'est pas que tu vas crescendo, tu vas en descendant, quoi. Tu prends du poids, tu t'habilles avec des robes bizarres. Mais là, pourquoi tu dois plus? Je te vexe pas, je te dis si ce tu que me vexes, tu m'énerves, quoi. Je suis honnête. J'ai pas te dire que ça me fait plaisir, là, que j'aime j'aurais bien. Même pas envie, j'ai même pas envie d'acheter une robe, là. Tellement que tu me vexes. Bah, c'est un trait d'économie, parce que vu la robe que tu veux t'acheter, je préfère pas en acheter, quoi. Oh, oh là là. Bah, Eva, ça va, j'ai l'impression que tu vas gerber, Maëva. J'espère qu'à la fin du reportage, elle lui fout une bonne droite ou quelque chose comme ça, parce que moi, ça me démange. Ah, le pire, c'est qu'elle reste avec, en plus. Vous voulez la fin? Oui. Ah, bah, je l'ai. Le lendemain, après le clash de la robe, du magasin, et une nuit sans aucune attirance au lit, il force sa meuf à aller dans une salle de sport avec lui. Bah oui, si elle est grosse, elle doit maigrir et elle doit faire du sport, selon lui. Ouais, j'ai déjà peur. Allez, comment ça se passe à la salle de sport? Bah non, faut te plaire pas quand tu rentres dans une robe et tu te sens grosse, quoi. Ouais, moi aussi, je peux commencer à critiquer parce que là, je vais te casser direct sur le champ. Hein. Ton nez, avant, il était comment? Il était tordu, t'as pas beaucoup de cheveux. Moi, je veux juste que tu fais plus attention. Non, parce que tu me pousses tout le temps. Bah ouais, c'est moi le mec, c'est moi qui décide. Bah ouais, fais attention, je suis le mec. Voilà. Wow. Alors on vous passe la crise de jalousie, tout le reste de l'épisode, son passage dans la cabine à UV qui rend sa meuf jalouse, le moment où Giuseppe évoque son envie de devenir gogo danseur. Allons au but de l'émission, régler le conflit. Avec la psychologue, ils revisionnent ensemble les images de l'émission pour qu'ils réalisent à quel point il est grossier avec sa meuf. L'électrochoc a-t-il eu lieu? Pas trop méchant, je disais que la vérité, je trouvais quand elle mettait cette robe, elle faisait grosse. C'est pas votre joujou. Bah, est-ce que vous aimez autre chose chez elle que son physique? Si, j'aime, enfin je sais pas. Il n'a rien trouvé et c'est la fin de l'épisode. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. C'est vraiment pas une vanne. Je pense qu'ils sont plus ensemble aujourd'hui et il y a de quoi. C'est horrible. Et on est très content pour elle. Ouais. Maëva, un mot qui qualifierait ce gars? Homme à marier. Tu peux pas le dire à l'antenne. Tu peux pas le dire, c'est un peu vulgaire. Okay. On écoute Dave. Va, Nina. Non, l'autre. I was outside. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet? Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Elle s'appelle Brittany, elle a fait son entrée dans l'émission cette saison. Et Brittany est une des personnalités qui gravite dans la stratosphère des influenceuses. Sauf que Brittany est à nous. Brittany est une exclusivité qu'on a dans la trappe tous les mercredis soirs. Brittany a encore fait des siennes en story. C'est Kix qui m'a prévenu, qui m'a dit ah bah tiens, ouais. J'ai encore vu Brittany au sommet de sa forme. Donc je vous propose qu'on découvre les trois stories qu'elle a publiées encore cette semaine. On regarde, c'est le petit monde de Brittany. Coucou Mini, c'est Brittany. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire de ouf, hein. Une affaire en or, et pas de l'or plaqué, wesh. Je vous donne un code promo pour avoir un lisseur à moins de 50%. Et pas n'importe quel lisseur en fait. Genre pas un lisseur de chez Wish. C'est un lisseur Shein qui lisse les cheveux, mais genre trop bien. J'ai jamais vu ça, wesh. Il peut aussi boucler les cheveux, genre tisser en tournant. Si tu sais pas comment faire des boucles avec un lisseur, réagis à la story en mettant comment faire des boucles avec un lisseur et je vous ferai un tuto, mes amours. Le code, c'est Brittany, B-R. Enfin, comment c'est marqué là en dessous. Perso, moi, je l'ai reçu hier et je l'utilise tous les jours. Je peux plus m'en passer. Voilà mes ninis, j'espère que le code promo vous a fait trop plaisir et que vous allez acheter plein de lisseurs à moins 50%. On se retrouve pour plus d'astuces beauté. Bisous, cœur avec les doigts. J'aurais aimé voir la gueule qu'elle a eue à la fin avec son lisseur. Juste voir si son dropshipping a quand même au moins une utilité. Et justement, j'ai besoin d'un nouveau lisseur, j'hésite. Ah, voilà. Faudrait que tu nous montres les images. T'as noté? Parce que là, c'est de la radio, il faut qu'on voit. Oh, elle est folle, Brittany. Un jour, il faudra qu'elle vienne nous voir en vrai. Il faudrait qu'on parle, voir si elle est un peu culturée. Ouais, culturée, oui. On verra. Enfin, c'est pas sûr ça. Bon, si on a le temps, on va faire le jeu de la chanson. Aha. Mm-hmm. Et le grand blanklet arrive. C'est le jeu des pires reprises avec des chanteurs qui viennent de TikTok. Et on a un maître. Les originaux. Et notre maître huissier de justice cette semaine, c'est Maître Le Feu. Maître Le Feu. Le retour. Revenez du couloir un petit peu, qu'on vous présente quand même. Ouais, bah, prenez un micro qu'on vous entende de près parce que là, voilà, celui-là. Mais doucement! Ouais, bah, moi je sais pas comment. Je sais pas comment ça fonctionne. On vous explique tout ça en antenne. Jadoul, dès 20h sur KIF. On peut parler sur la musique? Non, on se tait là. Maintenant, en fait, on ferme le micro. Et là, maintenant, on peut parler? Non, là, en fait, je vais vous couper. Toujours pas? Non, arrête! C'est vrai? C'est vrai, oui, c'est vrai. La trappe, tous les mercredis dès 20h. Avec Jadoul. Jadoul. Sur KIF. Grand retour de cette séquence que vous avez beaucoup aimé, le jeu de la chanson. Pas content, pas content. Pas content, pas content. C'est le duo French Fuse qui nous avait offert cette magnifique reprise de Bambino et d'Astérix Mission Cléopâtre, ce qui donne le jeu du pas content. Alors vous avez intérêt à être drôle, dans le rythme, et bon, on va faire de notre mieux pour ne pas recommencer, parce que si on recommence, ça fout la merde et il faut refaire, enfin voilà, ouais. C'est un peu chiant. Tout le monde est prêt? On est prêt. On va dans le rythme et dans l'ordre de la table, c'est-à-dire moi, Maëva, Kix. D'accord? Parfait. Allez, on y va, c'est de l'impro. Ok, je dois démarrer, je pense. Je sais pas s'il faut le faire. On fait le répète à l'antenne. Tu vois, je sais pas si il faut que je parle des. Ah oui, je pense que c'est ça. Ouais. Montrez-moi comme vous êtes bon. Avoir des clients méchants. La viande qui colle à la poêle. Toutes mes pannes d'aspiration. Les travaux sur l'autoroute. Les trains qui sont en retard. On n'a pas de nouveau jingle. Elle est délaissée par KIF. Oui, un petit peu engagé. On attend nos nouveaux jingles depuis maintenant 3 semaines, 4 semaines. On attend, on est là. Jadoul, dès 20h sur KIF. C'est juste la voix off, quoi. Enfin, voilà. Et de la pub un peu, non? Et maintenant, je peux parler. La visibilité et tout. Maîtrise pas? Oui. C'est dans un instant. Le blanklet. C'est maître la femme, monsieur. Maîtrise pas? C'était la semaine dernière. Maître Le Feu, c'est vous! Ah ouais? Ne m'insultez pas. En dehors de stop, stop, coup, coup, hein. Ah bah, là, il faut faire le jeu, je suis désolé. La musique était pas finie. Oui, bah, moi, j'en ai rien à faire, moi, j'ai une vie aussi après. Mais mettre le feu. Non, c'est comme ça, on commence tout de suite le blanket. The music machine. The music. Ah ouais. The music machine. Ah ouais, j'essaye de m'en sortir. The music machine. Le principe du Blanklet, la Music Machine, contient plein de reprises de TikTok avec des chanteurs approximatifs. Et le but est de retrouver titres, artistes originaux, ouais. Bien sûr. Ou au moins trouver des réponses. Voilà, c'est ça. Kix, je sens qu'on va pas beaucoup t'entendre sur la fin de l'émission. Ouais. Comme d'hab. Mettre le feu, vous notez les points. Attention, voici la première manche. Maëva qui gagne toujours est prête. Oui, j'ai déjà réglé mon casque à fond. Et les confettis. Et Kix qui perd toujours, il est prêt aussi. Oui. Attention, voici la première manche. Bruno Mars, When I Was Your Man. Bravo. Très beau et très dur à interpréter. Ouais, bon, ça va. Super, bravo David. Il s'appelle David. Pas celui qu'on connaît, hein. David, un autre. TikTok. Bon, le premier point va à Maëva. Deuxième manche. Je rêvais d'un autre monde. Téléphone, un autre monde. Je rêvais. Okay, Maëva, on a coupé mon micro, je crois. Est venue, elle souhaite en découdre. Là, elle me regarde en plus à chaque fois. Mais comment tu peux trouver dans cette version de Daddy Miles? Je rêvais de notre monde. Rien que le je rêvais en fait. Il fait comme j'aime pas. La terre est bien ronde. Toi, il a dit le titre. Et la lune, elle est si blonde. Mais pourquoi il est pas dans le rythme? Ce soir, danse les ombres du monde. Non, mais franchement, je trouve qu'il a du talent. Non. Je rêvais d'une autre terre qui resterait un mystère. Non. Une terre. Ouais, ça va. Vite les points, mettre le feu. Non, bon, ça fait deux points pour moi, Eva. C'est parti, troisième manche. Si, je connais, mais je sais pas comment ça s'appelle. Attends. Ah mince. Croyez-vous, je rends pas à l'heure que je veux cette émission. Je sais pas, je l'aurai pas. Ça sert à rien. Personne ne l'aura. Non, je l'ai pas non plus. Wes, à l'année. Version TikTok. Bah, ça va, ouais, ça va. Ils ont le même timbre de voix que moi. Ouais, un peu, ouais. Attendez, quoique. Non, non, franchement pas. Bravo, Maëva, pour tes 3 points. Non. Tes deux points. Deux points. Là, personne n'a trouvé. Attention, ça va être encore dur celui-là. J'entendrai des bravos. On l'a déjà diffusé dans cette émission. Étouffer les flammes. Je tiendrai le chaos. Oh là là. Sera ma femme. Et on se regardera dans les yeux. C'est beau en tout cas, et c'est sympa. Sera mieux. Vous avez du mal aujourd'hui. Je chanterai toujours plus fort. On a fait la maline au début, Maëva. Ou comment t'entends. Ah si, attends. Refrain. Allez, viens, je t'emmènerai. Ah non, c'est pas ça. C'est autre chose ça. C'est boudé. Bah, je ne l'ai pas. Du pop-corn salé. On l'a diffusé en première émission. Santa Popcorn Salé. Allez viens, je t'emmène loin. L'ancienne chanteuse d'iPhone. Gardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Oh yeah. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Ce soir, c'est... Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Elle chante en solo maintenant ? Oui. Ah et bon, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'embrasse. Bah, j'aime bien aussi. Alors que lui, il faut pas. Parce que c'est une chanson très compliquée. Allez, viens, je t'emmène à moi. C'est un peu trop loin en fait. Mais c'est pour la voix. Trop loin. On se fait le dernier. Maîtrise pas. Vite récap des points. Mettre. Oh, on se mettre en le feu. Mais ça fait 2 points pour moi. 20 toujours et 0 pour l'autre idiot. Vous êtes là à fond dans l'ambiance pour la dernière manche. Moi je suis toujours au taquet. C'est très chouette. Merci beaucoup. Dernièrement, je pense qu'on centre. Ah, il y a du talent lui, hein. Et que d'une oreille. C'est du breton. Non. Allez. Allez. Mais tais-toi. On sait que je peux pas répondre. Et je suis le plus beau et number one. Zo zo zo bida. Qu'est-ce que t'as pleuré? Zo zo zo bida. Vous êtes sérieux? Ouais. Vous êtes sérieux? Vous reconnaissez pas? Je suis le plus beau et number one. La gaffe. Bravo Kix. Mais je connaissais même pas celle-là. Hein. C'est normal, elle est un peu plus polémique. Hein. Je suis le plus beau et number one. Il y a une différence. Hein. Je suis le plus beau et number one. Et je suis le plus beau et number one. C'est autre chose. Hein. Tu m'as perdu, vous m'avez perdu. Oh là là. Un freestyle. Moi le lundi matin. Mes premiers mots de la semaine. Quand je parle une langue que je connais pas. Mais il est juste incroyable lui, franchement il a beaucoup de talent, bravo monsieur. Waouh, ce Blanklet, mettre le feu, qui gagne? Non, bon, c'est Maëva qui a gagné. Oh, trop bien, bravo Maëva. Belle victoire. Merci. Bravo, t'as le droit à. Y a rien pour toi. Ah, un petit coup de peine. Ouais. Bah, j'ai que ça pour te féliciter. Moi, je peux dormir ici? Non. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, en podcast partout, Jadoul dans la trappe. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain.